Il est moche le son comme ça. Ouais, je l'aime pas le son comme ça. Ça craque à fond, hein. Désolé. Bon, moi je remets mon petit délai, hein. Je l'aime bien. En plus, je le synchronise. 1, 2, 3, 4. Attention. Thank you. Bill it. Ah bah tiens, il y a un autre batteur là. Beat le. Love and the beat. Celui-là. Attends, ça fait. Où la terre serait ronde. Oh non! Oh non, t'as mis ce truc là.